Cette semaine, on parle de photographie macro, du Gaming Expo et du projet Apollo. Vous écoutez Objectif Numérique, épisode 81. Stéphane Vaillancourt au micro, en compagnie de François Blanchette. Salut Stéphane. Et Christian Jarry. Salut Stéphane. Vous allez bien, messieurs? Oh oui, oui. Super bien. J'aimerais avoir une petite pensée pour nos auditeurs en France qui ont vécu une tragédie la semaine dernière. Bon, on n'a pas besoin de s'étendre sur le sujet trop, mais juste leur dire qu'on est avec eux en pensée. En effet, considérant aussi le nombre de personnes qui nous écoutent là-bas, c'est une bonne idée de le mentionner. Absolument. Ouais. Alors voilà, on pense à vous. Et retournons à la photo. Qu'est-ce que vous avez fait côté photo, Christian, d'abord? Je vais y aller dans l'ordre du plan de match. C'est bien. Honnêtement, je me suis un peu creusé la tête pour qu'est-ce que j'ai fait récemment. Puis j'ai dû fouiller un peu plus tard. Quelque chose que j'ai fait il y a un certain bout de temps, mais quand même. Je vais vous surprendre, c'est un show de musique. Ah oui? Je vais prendre des photos, oui. Mais je sais pas. Fait que c'est une photo moins récemment. Ben, on va l'appeler photo moins récemment. Qu'est-ce que t'as fait en photo moins récemment, Christian? J'aurais bien aimé dire plus récemment, mais malheureusement, j'en ai pas. Mais non, ça arrive. Non, c'est ça. Fait que non. Puis je sais pas. Ce fut un spectacle où ma photo était pas très bonne, mais mon vidéo est bon. Ah. Bon. Ben c'est ça. Qu'est-ce que ça arrive. Hein? Des fois, c'est, le résultat a pas donné ce que je voulais. Puis et je suis le seul à les avoir vus. Mm-hmm. Mais le vidéo a bien sorti, sauf le son. Faut que je me trouve un... C'était quoi ton Lumia? Ouais, ben il y a le 830 là, qui doit être encore sur le marché et probablement moins cher encore. Mm-hmm. Mm-hmm. Et puis, avec un peu de chance, tu peux sûrement en trouver un déverrouillé. Là. Ouais. Ça, les micros là-dedans, il y a 4 micros. Suppression de bruit, tout ça. Ça m'a impressionné quand tu me l'as fait entendre. Ah ouais. Et que, non, je le garde toujours pas trop loin parce qu'il m'accompagne si je vais dans le spectacle. Oui, je le vois d'ailleurs. Il est juste là. En effet. Là, même pas, le son jaune éclatant. Non, ça, c'est le 10-20. Ah, le 830, c'est le gris. Excuse-moi, c'est parce qu'il y en a 7. Excuse-moi, ouais, Stéphane. C'est dur de savoir lequel téléphone avec Stéphane. Ouais, désolé. Je vais essayer de réduire mon stock de téléphone. Tu sais, quand tu voyages en avion, là, puis que tu regardes la fameuse revue avec tous les gadgets dedans, là, je me rappelle pas comment ça s'appelle, cette revue-là, mais en tout cas... Je sais pas, je la regarde pas, moi, t'as toujours la station de recharge qui peut rentrer 10 cellulaires. Ben, Stéphane, il l'a! Parce qu'il y en a 10 cellulaires! Non, c'est même pas vrai, j'en ai 4. Je viens par contre de penser à une photo vraiment passionnante que j'ai faite. J'ai pris des photos des enfants à l'Halloween. Woohoo! Ah, ben non, mais c'est cool. À l'Halloween, les enfants se déguisent. Puis moi aussi, j'ai pris une photo de mes enfants puis des enfants d'un de mes amis à l'Halloween. On fait ça. C'est une tradition. À chaque année, ils viennent dans notre quartier parce qu'il y a plus de maisons pour récolter des bonbons, des friandises. Genre l'inverse de chez nous. Là. C'est ça. Non, ici, ils passent au-dessus de 400 enfants. Mine de rien, là, c'est même pas un quartier avec des appartements ou quoi que ce soit. Là, c'est que des maisons. Puis, je vais te donner une idée. Ma blonde, elle avait acheté pour l'équivalent de 40 enfants. Puis c'est beau si j'en ai eu 15. Oh my God, OK. Ouais, c'est vraiment désert. J'étais très généreux à la fin. Il faut que vous allumiez la lumière pour que les enfants viennent chez vous. Et tu décores un peu à l'avant de la maison. Ouais. Si tu avais vu ce que ma blonde a fait cette année, elle s'était donnée à l'os. Ah, elle avait fait quelque chose de super cool. Puis les lumières étaient allumées. As-tu photographié sa décoration? Tu viens de perdre des points. J'espère qu'elle n'écoute pas l'épisode. Tu sais que j'y ai même pas pensé. Mais je pense qu'elle en a pris une, elle. Mais non, j'y ai même pas pensé. Ouais. C'est pas grave. Des dernières semaines un peu folles. Ouais, bon. C'est une excuse. Pas une bonne, mais c'est une excuse. C'est ça. Puis toi, François, qu'est-ce que tu as photographié? Au mois d'octobre, j'ai eu la chance d'aller faire un beau petit voyage avec ma copine. On est allé en Europe. Mm-hmm. On est allé en Espagne puis au Portugal. OK. Pauvre toi. Ouais, pauvre. Moi, vraiment, c'était affreux. La vallée du Douro, entre autres, au Portugal, ça va rester à tout jamais marqué comme un endroit à ne jamais retourner. T'sais. Non, au contraire, c'était vraiment fabuleux. Ça aurait pu. Non, je pourrais parler de photos récemment. Juste avec ça, tu pourrais faire un show complet. Ben oui, je suis revenu avec près de 1000 photos. Là. Aïe, aïe, aïe. Toi, avec 1000 photos, oui, parce que j'ai amené ma 7D. Ouais, j'ai amené ma 7D et mon appareil, mon smartphone. C'est évidemment. Pas vrai. Non. C'est pas vrai. Ouais, c'est vrai. C'est pas ta 7D, c'était ma 7D. C'est vrai. Christian, qui était super fin, qui m'a prêté sa 7D pour que je puisse faire des photos, des belles photos. Fait que merci, Christian. Si c'est pas une plaisir. Équipe, tu sais serrer. Ça. Ben, ouais, regarde, ouais. Tu vois, finalement, j'ai fait de la photo. Ah oui, par intermédiaire. Ouais, c'est ça. Par procuration. Ouais, c'est ça. Donc, je me suis retrouvé. Ah ben, je pouvais pas en faire, par exemple. Tu vois, j'avais pas mon appareil. Ah, belle excuse. François avait ton appareil. Ouais. C'est ça qui arrive. Je me suis retrouvé très tard à Madrid, à l'aéroport, avec... on était le seul avion qui récupérait ses bagages à ce moment-là. Puis le comment terminal. Je pourrais appeler ça? Oui, au terminal où on récupère nos bagages. Il y a un nom pour ça, là, l'espèce de carrousel. Le carrousel, oui, voilà. J'ai fait comme... Mais voyons donc, la déco ici, c'est incroyable. C'est comme les années 60, l'ère de l'espace, la découverte de l'espace. Ils sont inspirés de ça. Il faut voir la photo, aller sur... je vais te faire un beau compliment, François. Je pense que c'est une des plus belles photos que moi j'ai vues que tu as prises. Okay. Sincèrement, là, je la trouve hallucinante. En fait, il y en a même deux, puis les deux, je les trouve vraiment superbes. Là. Définitivement, moi j'ai un faible pour la première. La deuxième est très bonne aussi, là. Je peux pas chialer. Tu parles des lampes, là, la première? Oui. Ouais. Je sais pas. C'est dans la symétrie. Oui, mais pas juste ça, c'est parce que... Les patterns aussi. Oui, mais ce que je trouve le fun, c'est qu'on dirait quasiment qu'elle pourrait être à l'envers, puis ça marche autant. Oui, c'est vrai. Hein? C'est ça que je trouve écœurant. J'aime le fait que c'est tellement extraterrestre qu'on sait quasiment pas dans quel sens qu'elle est. Je l'ai fait pivoter à 180 degrés et ça marche. J'en doute pas. Vous irez voir et faites le test aussi de votre côté. Non, vraiment incroyable. Tu dis que tu l'as comme, ben, je sais pas, désaturé, en tout cas, ou whatever, je sais pas ce que tu as fait comme c'est traitement. C'est bien simple. Dans Lightroom, il y a des presets là, que tu peux appliquer de couleurs, tout ça. J'ai choisi juste un preset super rapide. D'habitude, j'ai travaillé mes photos un peu plus pour donner mon petit look. Et puis, c'est ça, je me suis retrouvé tard le soir, donc c'était facile d'avoir personne dans l'image. Oui. Je suis allé sur un autre carrousel que celui où on attendait nos bagages. Fait que j'avais vraiment toute la liberté. J'ai quand même pris une bonne dizaine de minutes pour trouver l'angle parfait puis m'assurer que tous les coins du cadrage sont beaux pour pas que j'aie à faire de retouches après. C'est fantastique. Le cadrage. En tout cas, fait que, non, moi, je l'aime beaucoup aussi. C'est très 60s, air de l'espace. Là, oh, et vraiment, là, ça pourrait être dans un film science-fiction de ces années-là. C'est puis... ça, c'est ça. Étant dit, Madrid, là, l'aéroport de Madrid, pour ça, là, c'est vraiment beau. Là. Ah, si t'aimes le genre, là, c'est super beau. Non, moi, j'adore. Ben, ça rappelle la série Cosmos 1999. Oui. Là, oui. Qu'on... On en parlait de quoi vous tout parlez, à l'heure. Ouais, toi, t'es trop jeune. Hein? Avec les aigles. Bon, parfait. Puis de mon côté, ben moi, je fais tellement de photos ces temps-ci. Je vais faire du rattrapage. Je vais vous parler de deux événements où j'ai fait de la photo. Parce que, bon, j'en ai pas fait tant que ça aux deux, mais quand même. J'étais. On remonte même en septembre. Je suis allé au Gaming Expo de Sherbrooke et au Comic-Con de Québec à la mi-octobre, celui-là. Et j'ai fait deux petits albums que j'ai mis sur Flickr. Puis, bon, il y avait un petit peu de photos, ben une ou deux photos de cosplay au Gaming Expo, mais c'était surtout pour des consoles rétro. Il y avait un Commodore 64, il y avait des bornes d'arcade, toutes les bornes classiques là, de Q-Bert, Pac-Man, en tout cas, il était tout là. Galaxian. Tron était là. Ouais. Elle était tough, celle-là. Oui, mais là, moi, j'adore prendre... Le haut, là, l'espèce d'enseigne du haut de la bande d'arcade, j'adore prendre le logo du jeu. Puis là, ben, je me suis payé la traite. Il y en avait comme 5 à peu près, je pense, 4 ou 5 au moins. Puis là, ben, je les ai photographiés. Puis il y avait aussi une grosse compétition en réseau de jeux vidéo, un gros LAN party. Okay. Puis là, ben, j'ai fait une photo, puis celle-là, je l'ai transformée en noir et blanc, comme je fais depuis quelques mois. Puis ça sortait bien, on s'en est même servi pour un autre événement dont je vous parlerai peut-être dans quelques épisodes, là, le Geek Fest de Montréal. À bien prononcer le cas, le Geek Fest. Et c'est ça, c'est une photo que j'aimais bien parce qu'il y a tellement de monde que ça devient anonyme. Tu vois que des joueurs, une masse de joueurs derrière leurs écrans de PC en train de jouer. Puis en plus, en noir et blanc, ben, ça devient complètement anonyme. Moi, j'aimais l'effet que ça donnait. Puis au Comic-Con, évidemment, c'était du cosplay. Et encore du cosplay, mais j'ai fait une grosse erreur. J'ai pris ma 24-70, qui est F4 maximum, donc qui ouvre pas tant que ça. Et c'était un peu plus dur. J'étais toujours en 1600 ISO et bon, la profondeur de champ n'était pas terrible. j'aurais dû prendre ma 55 mm f1.8 puis jouer dans les f2, f2.2, quelque chose comme ça. Je me suis repris dans d'autres événements où je suis allé après, mais pour celui-là, là, je trouve que mes photos auraient pu mieux ressortir. Si j'avais eu un flash... Ça sort bien, mais c'est... C'est ta profondeur de champ. C'est ce qui tue là, les photos principalement. Mais bon, quand même, ça sortait quand même pas si mal, mais ça aurait pu être mieux. Là. J'ai déjà fait mieux que ça. Bon, on va passer à un petit bloc nouvelles. Christian, de ton côté, t'as deux nouvelles? Ben oui, des nouveaux appareils. Mm-hmm. Des nouveaux appareils de Canon. Bon. Je ne sais pas pour vous autres, mais il me semble en tout cas, ça fait un certain bout de temps. Je ne sais pas, Canon a l'air d'avoir un peu ralenti de ce côté-là. Ben, en tout cas, on a la PowerShot G5X et G9X. Bon, comme d'habitude, c'est des marques qui sont vaguement connues. Là. Ça ressemble un petit peu à des... RX100, le modèle que moi là, j'ai, que j'aime bien. Là. C'est des appareils relativement assez compacts. On commence à avoir des affaires un peu plus intéressantes. Là, des capteurs d'à peu près 20 mégapixels, de 125 à 12800 ISO, processeur DigiX6, Full HD, Wi-Fi, NFC. Tout ça, c'est pour toutes les PowerShot GX. Mm-hmm. La grosse différence, c'est plus quand on arrive avec l'objectif en tant que tel, la G5X, c'est un zoom de 24 à 100 mm de f1.8 à f2.8. On voit que c'est vraiment, là, c'est quasiment copié sur la RX100. Là. C'est vraiment dans les mêmes spécifications. Là, ça ressemble beaucoup. Pour ce qui est de l'autre, c'est une 28 à 84. Avec un petit peu plus modeste, comme c'est spécifié de F2 à 4.9. Fait qu'on voit que c'est pas le grand luxe, mais t'sais, bon, c'est intéressant. Là, des petits appareils photo là, que je serais quand même curieux d'essayer, là, mais je sais pas. Là, j'ai quand même un peu l'impression que Canon se cherche. Oui, ben ressortir des modèles compacts... Y a un intérêt, parce que regarde la rapidité avec laquelle les Sony se vendent. Ça marche bien, là, les RX5, etc. Oui, mais ils n'ont pas un capteur d'un pouce comme le RX100, je pense, ces appareils-là. Il y a beaucoup de mégapixels, mais oui, c'est un pouce. Oui, OK, j'avais pas vu les specs. Ouais. Ah, ben tant mieux. C'est vraiment, là, honnêtement, là, c'est la même affaire. Il n'y a pas de grande différence. Donc, ils veulent s'attaquer à ce marché-là. Tout à fait. Oui, mais je crois avoir vu récemment que Canon avait déclaré soit des pertes ou des baisses de profits importantes. Nikon, ça va extrêmement mal. Ça. Je comprends pas qu'ils ne s'enlignent pas vers les hybrides, qu'ils n'essaient pas d'innover, parce que ça marche du côté de Sony, Fuji, Panasonic, Olympus. Il serait temps de faire le saut, j'imagine. Ils doivent être en train de travailler là-dessus. Il y a la EOS M3. Là, oui, mais après trois modèles, qu'il n'y ait pas plus d'innovation que ça dans l'appareil, non, ça en dit long. Là. Non, honnêtement, quand ça fait... trois modèles que tu sors au bout de 3 ans, tu devrais avoir des trucs qui sortent un peu du lot. Là. Le EOS M Mark III, il n'y a rien. Il y a encore les mêmes défauts. Là. C'est ça, je regarde vite. Là, ils disent encore que c'est pas beaucoup de fonctionnalités pour le prix, puis elle est lente. C'est dommage parce que Canon et Nikon aussi font des bons produits, mais on dirait qu'ils ne savent pas se renouveler ou innover depuis quelque temps. Canon, avec son truc à pixel double, là, l'autofocus à pixel double dans la 70D, ça marchait bien. On n'en a pas entendu parler. Non. C'est comme... Il y aurait le remplacement de la 70D que j'ai vu vaguement passer, là, qui serait... Après 2 ans. Oui. Mais à part ça, il aurait pu implanter ça dans un autre modèle, un autre système, ou... Je sais pas. Je comprends pas. Moi non plus. Je sais pas où c'est qu'ils s'en vont. Enfin. Espérons que ça change éventuellement. Je sais pas. Pour eux, là. Et pour tous ceux qui aiment beaucoup la marque Canon, tu sais, souvent, quand tu essaies une marque ou un appareil, puis tu l'aimes, ben, tu veux rester dans la même famille, tu t'achètes des objectifs, des trucs comme ça. Puis même à la limite, même s'ils sortaient un appareil hybride qui prend pas nécessairement les mêmes objectifs, je suis sûr que ça vendrait. Je suis convaincu. Moi, j'avais pas un grand parc d'objectifs, là, mais je suis passé de Canon à Sony parce que l'appareil me tentait plus, me parlait plus, puis avait des caractéristiques plus intéressantes. Je peux pas croire qu'il y a personne d'autre qui va pas faire le même... Je vais être honnête, là, puis moi, il y en a une qui m'attend dans le détour, puis c'est juste le fait qu'elle est pas en plein capteur, mais vu la performance que l'ancienne donnait, je serais curieux, c'est Fuji. Mm-hmm. La XT1. La XT1, ben mais oui. La XT2 est sur le point d'arriver. Uh-huh. Ça, ah ouais. ça me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les objectifs ouais. sont très bons, l'appareil est excellent. Ou ça va faire des XT1 à meilleur marché. Ouais. Ben oui, ça va être intéressant possible. Aussi pour possible. Ceux qui cherchent des aubaines. Ouais. Justement, une bonne raison de faire le saut. Je reprendrais sais pas bien si la vas... 56 mm là, qui venait avec. Ah là, oui. Ça, là, c'était... Ouais, c'était oh un bon boy. Objectif. Bon, enfin... On verra. Ouais. Regarde, moi, je... Regarde, plus de compétition, on le dit souvent, c'est toujours bon pour nous autres. Fait que c'est sûr que qu'il y ait plus d'offres, c'est pas mauvais pour autant, mais qu'est-ce qui va en arriver, je ne sais pas trop. Aucune idée. Parfait. Puis ta deuxième nouvelle concerne aussi Canon. Qu'est-ce que vous diriez d'une imprimante de type L? Ah oui. Okay. Comme les objectifs de ouais, CIL. C'est particulier. J'ai l'impression que, encore une fois, bon, Canon décide de miser sur quelque chose qui leur est très populaire. Là. Les types L ont une très bonne réputation. Mm-hmm. Je comprends pas trop l'idée d'envoyer ça sur une imprimante. C'est particulier. Ben, mais... J'imagine que s'ils ont mis justement la fameuse petite ligne rouge pour faire appel à la série L, c'est que ça doit être une espèce de gage de qualité, j'imagine. Ben, c'est du très haut de gamme. Là, c'est on ça. Parle, donc, t'sais... la qualité d'impression va être équivalente, si on veut, à la qualité du verre d'un objectif. Ben, en tout cas, regarde, déjà en partant, c'est 17 pouces d'impression. Ça, c'est déjà... énorme. Mm-hmm. Bon, on parle de têtes un peu plus spéciales là, qui auraient sont 50% plus larges que des têtes normales. Bon, en tout cas, tu sais, je rentre pas dans tous les détails. Là, ça reste comme, sans vouloir être plate, un peu une imprimante. Là, j'ai juste trouvé ça drôle là, que ce soit une imprimante de type L. C'est ça. Là, tu sais, c'est vraiment misé sur photographie, sur celui qui veut vraiment la meilleure impression. Maison, entre guillemets. Oui, meilleure impression photo, maison. Exact, exact. Mais tu sais, je n'ai pas besoin de vous dire que. Il y a une chose aussi qui a fait le chemin avec la L et c'est le prix. Oui, c'est ce que j'allais dire. Le prix est dans la même plage. Ben, à 1 300 $ américain, US. Ouais. Pour une imprimante, oui, je dirais que c'est pas mal dans les mêmes prix. Ben, ouais. Ils visent peut-être le. Professionnel à ce moment-là. Oui, clairement. C'est sûr. C'est une maison. Là, on parle de studio maison, probablement. Ouais. Oui, c'est ça, je veux dire. C'est que, exactement, c'est ça. C'est que, oui, c'est le professionnel, mais c'est pas une impression. C'est pas le genre d'imprimante que tu vas utiliser pour faire tes photos de tes contrats. Ça reste quand même celui qui c'est plutôt le photographe qui va faire ça pour lui-même. Là. C'est ça l'affaire, parce que ça vaut pas la peine d'imprimer les photos de tes clients là-dessus. Là. C'est imagine, pour toi. Imagine, t'as le prix des cartouches après ça. Là. Ben, c'est justement, ouais, ça doit être assez horrible. Ben, ouais. Je crois, non, mais les cartouches sont comme 60 $, mais là, on sait pas combien. Si c'est les mêmes. Ouais, exact. Oui, c'est ce qu'ils disent, 60 $. Mais on sait pas combien il y en a dans l'imprimante, il y en a peut-être 14. Ouais, c'est ça. Ouais, ben, c'est ça, tu sais, c'est comme... Ça sera à voir, mais bon, l'imprimante existe, elle est disponible depuis quoi? Pas longtemps, je pense? Octobre, quelque chose comme octobre, ça? Fin octobre, exactement. Bon, fait que... C'est quoi le nom? C'est quoi le nom? Ah, ben oui, exact, c'est la... Oh my God. La Image Prographe Pro 1000. C'est très pro. Je pense que c'est pro. C'est pro. Je pense. Parfait. Merci, Christian. Moi, je vais vous parler de Lightroom. Adobe est revenu un peu en arrière sur une décision. OK. Oui, ben au dernier... je sais plus si c'est au dernier ou il y a deux épisodes, j'avais parlé que l'écran d'importation dans Lightroom avait été changé. Je l'avais pas mis à jour encore, puis là, je l'ai vu. On est plusieurs, et d'ailleurs, je veux en parler. Chers auditeurs, écoutez bien ça. Si vous êtes abonné au Adobe Creative Cloud, vous pensez peut-être que votre Lightroom s'est mis à jour tout seul, mais ce n'est pas le cas. Vous êtes probablement encore en version 5.7, alors que... Lightroom est rendu à la version 6.2, si ce n'est 6.3, avec cette nouvelle version publiée le 17 novembre. Vous allez le remarquer, Ben, vous l'auriez remarqué si l'écran d'importation des photos avait changé pour vous avec un beau splash screen bleu, là, une tête de quelqu'un bleu. Ouais. C'est ce qui a fait en sorte que j'ai remarqué que je n'avais pas la dernière version au moment d'en parler au dernier épisode. Et là, ils avaient changé l'écran d'importation qui était un peu plus visuel, mais qui a dû confondre et perdre et déplaire à beaucoup de gens parce que Adobe est revenu en arrière avec l'ancien écran d'importation dans la version 6.3 publiée le 17 novembre. Donc, et okay, ben, c'est pour ça que je n'ai pas remarqué, parce que j'ai porté des photos il n'y a vraiment pas longtemps, puis j'ai pas... Non, tu es encore en 5.7, probablement, ouais, parce que ça aurait changé. Mais... Non, ben, j'ai le nouvel écran que tu as dit, mais oui, je ne suis pas revenu à l'ancien. Non, c'est ça, ben, c'est sorti au moment d'enregistrer l'épisode. OK, ouais, je vois le genre. fait que c'est pour ça, probablement ça me déplaisait que... pas, je te dirais, franchement. Non, c'était plus joli un peu, mais... Ben, moi, personnellement, je n'aimais pas la façon précédente. Fait que je sais pas, c'est ouais, comme... C'était... Fait que pour toi, ça se rapprochait ouais, peut-être d'Aperture un peu plus? Un petit... ou... Plus non, ou moins, mais je sais c'était pas... moins désagréable. C'était moins désagréable, oui. Mais tu vois, je commençais à m'habituer à la nouvelle façon, mais on voit que les gens, souvent, sont réfractaires au changement. Et, ben oui, mais je peux pas te dire que c'était parfait et que c'était idéal comme nouvelle façon, mais on se serait habitué à la longue, j'imagine. Ouais, ouais, ouais. J'ai pas remarqué s'il y a des trucs qui avaient disparu. C'est peut-être là-dessus que les gens ont été chatouillés, je sais pas. Mais avec la version 6.3, il va y avoir un retour en arrière avec la bonne vieille méthode d'importation. Mais assurez-vous de faire vraiment la mise à niveau, parce que ça se pourrait que vous ayez les deux versions de Lightroom installées sur votre PC, sans le savoir, comme c'était mon cas et c'était le cas de Christian. Moi aussi. Mm-hmm. Et tous les trucs par défaut. Donc, quand j'insérais un lecteur de carte SD, mon Lightroom 5 partait automatiquement. Donc, moi, je croyais que j'étais dans le bon. Et j'importais mes photos dans le catalogue du Lightroom 5.7. Okay. Alors que le 6 attendait à ne rien faire parce que j'avais juste pas désinstallé le 5. Mm-hmm. Mais d'habitude, ça écrase, tu sais, l'ancienne version. Non. Non. Okay. Ben pas quand c'est un gros changement de version comme là, de la 5 point quelques à la 6, mm-hmm, ça n'a pas écrasé. Ah, mais c'est-tu ouais, juste moi aussi qui commence à trouver que c'est mélangeant? Parce que là, tu passes de Photoshop CC 2014 à 2015, mais là, c'est 6, non, c'est 7. Moi, je suis perdu. Là. Sérieusement, j'avoue que j'ai de la misère à suivre parce que je trouve ça mélangeant d'avoir les deux versions, tu sais, les deux numéros de version. Pourquoi ouais, ils n'ont pas gardé juste, on est rendu à Lightroom 6? Pourquoi le 2015? Je comprends c'est, pas. C'est la version de CC, le Creative Cloud en général, qui à chaque année, ils font une mise à jour, mm-hmm, une mise à niveau globale. Fait que là, c'est la mise à jour 2015.3 et donc Lightroom 6.3. Probablement que le 6 correspond à 2015 et vice-versa. Mais bon, je ne saurais dire avec certitude. Je veux que tu me trouves la réponse. Bon, je vais trouver la réponse. Je vais parler aux gens d'Adobe. Et bon, ben voilà. On voudrait tous des comptes gratuits aussi, moi. Je vais essayer de travailler là-dessus. C'est bon. Sinon, ben c'est ça. Donc, je trouve ça bien de la part d'Adobe d'être retourné en arrière, d'avoir écouté les clients, en tout cas la majorité des clients qui se sont manifestés. Et, ben bon, écoute, si la majorité se manifeste comme ça, ils ont deux choix. Ou bien vous allez l'avaler, ou bien on va vous satisfaire. Immédiatement. En fait, il y a trois choix. Non, pas vrai. Vous avez raison, tous les deux. Ou de donner l'option de choisir l'un ou l'autre. Oui, c'est ouais, vrai, il aurait pu faire ça. Il aurait pu. Ouais. Parce que moi, personnellement, j'aurais regardé lui. C'est pas fait. Regarde. Ouais, pour ceux qui ont dit, bon, ben, on a fait le changement, on s'habitue, ben, on aimerait rester. Peut-être que c'est disponible dans les options. J'ai pas vérifié. Je sais pas. Je viens de l'apprendre. Puis ouais, là, ça, j'ai vu que j'avais la mise à jour. Fait que... Bon. Et voilà. Pour clarifier le tout, ben si vous avez une nouvelle méthode d'importation de photos, c'est que vous n'êtes pas à la dernière version. Mais si votre méthode d'importation n'a pas changé, vérifiez tout de même votre numéro de version parce que il se pourrait que vous soyez encore à la version 5.7 peut-être ou quelque chose comme ça. François, de ton côté... Oui, de mon côté, ben est-ce que je vais vous poser une question. Est-ce qu'on est vraiment allé sur la Lune? Ben, moi, je dis que oui. Moi, je dis que oui, parce que je n'adhère pas aux théories conspirationnistes. Okay. C'est ça, j'ai entendu, regarde, c'est clair que j'ai entendu tous les arguments du contre qu'on serait allé sur la Lune. Il y en a que c'est à se poser des questions, puis il y en a d'autres, c'est... Donc, mes farfelu, yeux... Ouais, les yeux ne pouvaient pas retourner assez loin dans la tête pour pouvoir... T'as roulé des yeux. En tout cas, la NASA est pas mal tannée d'avoir à se défendre. Oui, oui, oui, clairement. Fait, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de relâcher... De publier au-dessus de 14 000 photos de la plupart des missions Apollo, pas toutes, mais de beaucoup de missions Apollo, je pense que c'est entre 7 et 16, okay? Entre Apollo 7 et Apollo 16. Le conspirationniste en moi va dire, pourquoi l'ont-ils fait seulement en 2015? Parce que ça a été long, refaire 14 000 photos. Oui. Il y a toujours une bonne raison. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Oui, c'est ça. Donc, au-dessus de 14 000 photos des missions Apollo. Puis j'ai regardé, je suis allé sur le site, puis j'ai regardé vraiment plusieurs albums. C'est bien fait. Oui, c'est superbe. Hey, la qualité des photos, elle est magnifique. Okay? On est dans les années 70, entre autres, là, 60 et 70. En fait, c'est surtout les années 70, je ne me trompe pas. Oui, je crois. Les missions Apollo. Et puis c'est... 60 aussi, il me semble. C'est pas en 69 qu'ils sont allés sur la Lune? Oui, 66. 68. Dans ces coins-là. Ouais, c'est ça. Donc, on n'était pas nés, on avait une excuse. Années 60 et 70. Et puis, c'est la qualité des photos. On voit que la pellicule, tu sais, avec la haute résolution, des bons films, c'est vraiment... Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Je lis un commentaire au hasard. Je suis vraiment tombé dessus. Qui dit « La NASA doit croire qu'on est des morons. Must think we're morons. » Il n'y avait pas de caméra HD dans les années 50-60. Ah ouais, ben oui, bravo. Tellement les images sont belles. Ben oui, mais ben oui. Regarde, on va se dire une chose, par exemple. Je crois qu'ils ont été retravaillés. Ça, ce serait naïf de ne pas le croire. On là. Dit que non. Non. On dit que non. Je sur suis un petit peu sceptique sur ce côté-là, je dois dire. Ben. Pas qu'ils sont allés sur la Lune, non, mais pas retravaillés. Je regardais les photos, moi aussi, je suis allé les voir, puis... Tabarnouche, si c'est pas retravaillé. Non, mais attends, là, faut faire attention. Nous, on est dans une génération numérique pour la plupart. Je le concède, j'en suis conscient. La pellicule, ça a toujours été là, d'une grande précision et d'un grand, je cherche le mot en français, mais range. Une grande plage. Une grande plage d'exposition. Oui. Depuis toujours, c'est de la chimie. OK. Je vais te l'accorder. Ouais. OK. 14 000 photos. Ça, c'est plus mon argument. Bon, mais ils ont gardé en archive les négatifs. Ils en ont bien plus et que moi, ça. Et moi, je vais vous dire... Avec Repensez. Film, 14 000 photos, puis ils sont toutes bonnes. Ils ne sont pas toutes bonnes. Ils ne sont pas toutes bien cadrées. Mais ceux-là... Il y en a 8 400 là-dessus. Là. Déjà, tu es presque à la moitié. Là. Mais... x24... Mettons qu'on va dire que c'est des 48, là. Non, mettons des 36 poses, là, ça fait 389 films. De pellicule, ouais. Enfin, c'est pas mal. Puis ça, c'est assumant comme ils sont toutes bien exposées, qu'ils sont ou presque, là. Tu sais, il n'y a pas d'erreur. Tu sais, c'est ça, je trouve. C'est plus ce bout-là que je suis comme un petit peu plus sceptique qu'il n'y a pas de retravailler. Moi, mais entendons-nous, là. Préparer un voyage si sur la Lune, là, ou dans l'espace, là, mes astronautes auraient des pellicules. Ben, la pellicule ça, c'est l'autre point. Ben, ça, c'est mon autre point. Justement, il n'y avait pas beaucoup d'espace. Puis, tu as beaucoup d'espace pour bouler une pellicule. Tu sais, attendez, c'est plusieurs missions, là. Ben, oui. Ben, oui, je sais. Non, ça, j'en suis conscient. Bon. Mais c'est plus dans le sens, comme je te dis, je crois qu'ils ont pris ces photos-là. J'ai pas doute là-dessus. C'est le bout que pour travailler. En tout cas, eux autres prétendent que non. Et n'empêche que juste de. Ils sont belles en juste pour l'exercice d'aller voir. Ce que ces gars-là ont vécu dans ces années-là, c'est fascinant. Moi, je me rends compte que c'était une époque fabuleuse de découverte. Tout à fait. Parce que là-dessus, c'est vrai. Il n'y avait pas de limite. Là. OK, on s'en va vers la Lune. Il n'y a personne qui avait fait ça. Mais là, bon, les missions qu'on voit, ils sont tous rodés. Là. Ils sont allés à la Lune quelques fois. Ou à tout de moins, on fait le tour. Là, mais bon, n'empêche qu'on a un accès à des photos que personne n'avait accès avant. Oh non, ça vaut définitivement la peine. Un peu comme quand ils ont relâché, je ne sais pas combien de documents de la Deuxième Guerre mondiale à un moment donné sur Internet, qu'on peut consulter des archives, des documents, des trucs qui ont été signés, des ententes, des photos, évidemment, des camps de concentration. Tu fais comme OK, waouh, ça a pris 50 ans, mais là on a accès parce que c'était classifié. Tu sais. Ouais, ouais, ouais. Bon. Non, c'est parce que c'était long à rédiger tous ces documents. Ouais, c'est ça. Oh, man. Alors, on va passer à la prochaine. Ben, merci François. On va mettre un autre appel. Oui. On va mettre le lien dans les notes d'épisode, comme d'habitude. Moi, cette semaine, comme je vous l'avais mentionné à l'épisode précédent, je vais vous parler de ce qui va me coûter cher dans quelques mois, c'est-à-dire un objectif macro pour mon appareil Sony. Ah. Ouais, alors c'est l'objectif Sony FE 90 mm f2.8 macro GOSS de son petit nom. ouais, ça veut dire un autre beau nom de champion. FE pour full frame, là, pour 90 mm, plein capteur, f2.8 macro G, c'est la série G de Sony. Et OSS pour Optical Stabilization System. System, voilà. Donc, système de stabilisation optique. Ouais. Il n'y avait pas un espion aussi qui s'appelait OSS? En tout cas, oui. Oui, oui. OSS 117, c'est ça. Alors, voilà, pour revenir à l'objectif, 90 mm, là, messieurs, c'est pas bon juste pour de la macro, c'est bon pour du portrait. Oui. Uh-huh. Ah oui, tout à fait. Cet objectif-là, en plus, bon, vu qu'il ouvre à f2.8 et est composé de 9 lamelles, donne du très beau bokeh, du très beau flou. J'en doute pas. Donc, déjà deux usages à cet objectif, parce qu'en ce moment, moi, ce que j'ai, bon, j'ai des objectifs à longueur focale variable, le 24-70 puis 70-200, qui, lui, pourrait me servir à faire du portrait, et qui sort très bien, d'ailleurs, mais qui est f4. Sinon, j'ai le 55 mm f1.8, ce qui est bien aussi, parce que pour avoir fait de la photo un peu de cosplayers et tout ça au Comic-Con de Montréal l'année dernière, et cette année, je pense que je l'avais aussi, mais pas au Comic-Con de Québec, comme je le mentionnais plus tôt, mais le 55 mm f1.8 sort bien, mais 90 mm, ça devrait... ça va être quelque chose. Écoute, mais c'est pas pour ça que je l'achèterais. Principalement, ça serait pour la macro. Oui. Mais ben, Canon fait la fameuse 100 mm macro. Oui. Qui a une excellente réputation. Oui, aussi. C'est ça, qui fait des superbes photos. J'imagine que tu t'en vas vraiment jouer dans cette cour-là. Oui, ouais, absolument. Avec ouais, à 10 mm près, on s'entend que... Non, c'est ça. Puis là, on parle d'une construction, une superbe construction. Là, c'est fait solide. Ouais. Ben, vous l'avez vu, vous l'avez pris dans vos mains il y a quelques semaines. Ouais. C'est un objectif assez, assez gros, par contre. Hein, assez massif pour un appareil hybride. Là. On parle de 13 cm de long, 600 grammes, donc une livre et demie pour les Québécois. Mais c'est un objectif tropicalisé, donc qui résiste à la poussière, à l'humidité, tout ça. Donc, c'est un objectif massif, lourd. Ben, pas si lourd, mais quand tu fais de la macro, tu vas avoir... Il est imposant. Ouais, mais tu veux un objectif qui va être stable dans tes mains quand même. Donc, c'est pas un point négatif, mais quelqu'un va être surpris de le prendre au départ probablement parce que avec le petit boîtier du, mettons, du A7, ça fait un gros objectif. C'est lourd, sur l'objectif lui-même, on a un interrupteur pour la stabilisation, justement, ce qui est très utile parce que souvent, on fait de la macro avec un trépied. Donc, il faut pouvoir la désactiver assez rapidement. Puis, on a trois types de mise au point, ce qui est vraiment bien. Donc, on a un type, ce qu'il appelle la pleine plage, là, si on veut, le full range, qui est de 3 mètres à l'infini. On a un de, je crois, 50 cm à 3 mètres, quelque chose comme ça, pour la macro. Et on en a un de moins de 50 cm. Je crois que la distance minimale focale est de 27-28 cm. Mais j'ai réussi, il me semble, à prendre des photos un petit peu plus près. D'ailleurs, le mode manuel pour la mise au point se fait en tirant sur la bague, juste en faisant un petit crochet. Là, c'est intéressant. La mise au point manuelle elle-même est assez précise et tout ça. Par contre, du côté automatique, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide, ça mais j'ai remarqué, c'est quand il n'y a pas beaucoup de lumière, comme ici dans le studio. Il y a moins de lumière qu'à l'extérieur. Fait qu'il y a une différence dans la vitesse de mise au point. Parce que quand tu l'avais essayé, Christian, tu m'avais fait remarquer ça, puis je l'ai testé. Ça peut poser un problème en macro, ça. Oui, parce que tu perds beaucoup de lumière. Puis tu crées ta propre ombre. Dans certains points, oui. Oui et non, parce que souvent, si tu fais de la macro, disons dehors, de fleurs et compagnie, tu vas avoir beaucoup de lumière. Ça, c'est moins... À l'extérieur, c'est vrai. Mais... Et à l'intérieur... Encore là, ça dépend du jour, ça dépend bien des affaires. Là. Oui, je suis d'accord. Mais sinon, si tu en fais à l'intérieur, tu vas souvent faire ça avec des objets, donc tu peux te prendre des lampes pour un éclairage d'appoint et pour contrôler ta lumière aussi. Donc, tu peux réussir à éliminer les ombres. Là, c'est pas trop un problème à ce niveau-là, je dirais. Ça dépend de ta façon de travailler ou d'approcher la macro. Et de toute façon, même si ta mise au point n'est pas très rapide, quand tu fais de la macro, généralement, tu n'es pas trop pressé, à moins que ce soit des insectes vivants qui bougent. Non, pour la macro, je pense que le focus qui soit pas rapide, c'est pas la fin c'est du monde. Ça. Ou même du portrait, là, à la limite, tu dis à la personne, je te prends en photo, ça prend pas 8 secondes faire une mise pour au point. Du portrait, pour du portrait, comment je pourrais dire... Pas de la photo d'enfant qui joue dans la... Non, ce que j'allais dire, c'est pour du cosplay. Là. Ça va bien, parce que tu peux lui dire. C'est plus si tu veux faire, mettons, de la photo... urbaine, là, c'est du monde que tu veux prendre en ouais. photo, là, ça pourrait donner plus d'accord. problématique un peu. Mais encore là. Mais de la photo urbaine à 90 mm, je sais pas si moi... Ben, peut-être... Ben, au contraire. Non, mais ça marche bien, mais je veux dire, ça dépend ce que tu veux faire. Là. Moi, je sais pas, j'aime pas travailler avec mon... C'est parce que moi, je fais un parallèle parce que ma 85 est quand même pas loin de la 90. Ben, ça donne même un 130, pas loin, 127, ouais, c'est ça. 128. Fait que moi, ce qui est intéressant, c'est le fait que justement, tu peux te placer relativement loin d'une personne ouais. discrètement. Pas que tu veux prendre une photo sans qu'elle sache, mais des fois, c'est intéressant que la personne ne sache pas que tu es prise en photo. Mm-hmm. Puis, ben, l'autre avantage, c'est que comme tu es loin... Tu peux avoir un bokeh incroyable. Des fois, oui. dans certains cas, en arrière de la personne, mm-hmm. c'est super génial pour ça aussi. Là. Fait ouais, que, ouais. sans déformer cette personne-là parce que t'es trop proche. Là. Fait mm-hmm. que, moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Là. Ouais, probablement que moi, j'aime mieux travailler de façon plus rapprochée. Je sais pas. Mais regarde, ça dépend de oh, ben, mais c'est bon à savoir, effectivement. Mais entendons-nous, là, je veux dire, c'est un détail. Là. Sincèrement, ouais. là, pour l'avoir essayé, ton objectif, là, ça... En tout cas, ton futur objectif. ouais, c'était juste un démo, malheureusement. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est... l'image, par contre... Ben, c'est ça. Le piqué est superbe mm-hmm. Sur à peu près toutes les ouvertures, si on veut, de f2.8 à toute la plage. F16, toute la plage d'ouverture. Bon, j'ai regardé sur des sites parce que moi, j'ai pas l'œil encore assez expert, je vous dirais, ou assez critique pour ça, mais on parle de diffraction un peu à f22. Ouais, et là, bon, ça, là, ouais, en tout cas, c'est bref. Ça. Mais je le mentionne quand même. Moi, parce c'est que gentil. Bon, tu sais. Puis il y aurait un peu de vignettage entre F2.8 et F3.5, F4, là, vraiment quand c'est ouvert au maximum. Mm-hmm. Ce qui n'est pas inhabituel. Là. Non. Puis les objectifs, on a déjà parlé. Tu sais, c'est, oh oui. Théoriquement, c'est quand on est au milieu à peu près de l'ouverture et de sa course, si c'est un zoom, qui sont à leur maximum. Oui. Et autre point très important, en macro, tu es rarement à f2.8, f3.5. Ouais. Là, t'es ouais. plus à f8, à f11, f13. Mmh. Ben encore là, ça dépend de ce que tu veux faire comme effet, mais oui, t'as raison. Mais c'est ça, c'est parce que quand tu es vraiment près de ton sujet, tu as à peu près 2 mm de profondeur de champ à f2.8. Là, mmh. C'est 1 ou 2 mm, c'est vraiment pas même gros. Pas. Non, même pas. Hein, même fois, pas, ça. C'est ça. Ouais. Fait que c'est pour ça. Normalement, ben OK, ça se peut qu'il y ait un petit peu de vignettage, mais de toute façon, dans Lightroom, ça se corrige. Tu as des profils pour ton appareil photo, ton objectif, etc. Tu cliques un simple bouton, puis généralement, ça corrige beaucoup, sinon complètement, le problème de vignettage. Mmh. Fait que c'est pas vraiment un facteur qui va dire de pas acheter l'objectif. Moi, je le recommande. Par contre, ben, c'est ça, on parle d'un bon 1300 quelques dollars. Ben, considérant, là, je pense que l'objectif Canon similaire est pas mal dans les mêmes prix. Mm-hmm. Mais donc, ça prend un petit budget ouais, quand même, là. Réservé ouais, c'est clair, à ça. Là. Ouais. Je vais aller voir sur le site Sony France, tiens, live pendant l'enregistrement, si je peux trouver le prix en euros. C'est toujours le fait, est-ce que tu as besoin du macro? Toi, c'est quelque chose qui t'intéresse. Moi, c'est ouais. quelque chose qui m'intéresse pas super gros. Fait que mm-hmm. je serais curieux. Peut-être en l'essayant, des fois, ça, c'est là que tu découvres plus. Ouais. Tu te fais des besoins. Ben, absolument. Tu vois, à la FNAC, on parle de 1092 euros, à peu près. Euros? Donc, euros. Facilement, 1000. Non, non, mais ça dépend. Les prix ne sont pas non, nécessairement convertis. En fait, si tu l'achètes ouais, là-bas, ça va te coûter cher. Ça ouais. va coûter 1600 $ ici. Mm-hmm. Mais si tu l'achètes au Canada, le prix est en fonction du marché canadien. Ouais, qui... il y a des... Ouais. Sans commentaire. Ah, voilà. C'est pas toujours à l'avantage d'un l'un ou l'autre. C'est en tout cas... On devrait faire un topo là-dessus? Non. Non. Juste non. On va passer aux suggestions de la semaine. Christian, qu'est-ce que tu as de ton côté? Tu sais, les égo-portraits, les selfies, c'est oui. pas toujours super intéressant. Il y a quelqu'un qui a réussi à faire quelque chose avec un type d'égo-portrait que j'ai trouvé charmant et vraiment très joli, sincèrement. La personne a décidé de faire des égo-portraits, mais pas comme on est habitué de les faire. C'est toutes des photos de lui-même au soleil couchant. Mm-hmm. Puis lui, il est toujours en noir, puis... On a un magnifique coucher de soleil en arrière de lui. Mais ce qui est le fun de ça, c'est qu'il a réussi avec du papier et du carton et du bois à créer exemple, la photo que j'ai là, c'est un rhinocéros qu'il y a avec lui. Il y a plein de bêtes. Il prend une photo avec Kermit ou des affaires de même. C'est des photos super magiques. Mais comme on voit juste son ombre, puis t'as l'ombre de la bête ou de Kermit, tout ça, ça marche vraiment bien. Okay. C'est très mignon, je trouve. C'est super magique. Il y en a même une avec un dragon, des affaires comme ça. Puis c'est juste un... C'est juste du carton, là. Mm-hmm. Ça a dû prendre un petit bout de temps à faire, là, quand même, entendons-nous. Il y a certaines photos qui paraissent assez 2D, là, mais ben, en fait, pour ce qui est du personnage... Il y en a même beaucoup qui paraissent 2D, mais j'ai trouvé ça quand même cute. Oui, le projet est cute. Ouais, c'est cool. C'est intéressant. T'sais, ça fait différent des beaux projets ultra-artistiques, tout ça. C'est juste quelque chose qui est le fun. Mm-hmm. Absolument. C'est une belle découverte. Ouais. Toi, François, de ton côté... J'ai un photographe de Paris qui s'appelle Mathieu Stern, qui lui a décidé, il a fait un petit court-métrage, une vidéo sur un petit projet qui s'est dit, tiens, je vais essayer de tester une lentille, un objectif qui date de 105 ans. Okay? Un vieil objectif vintage sur une caméra que je n'ai pas trouvé le nom. Il a réussi à coupler ça avec sa A7II pour avoir le look de cet objectif-là. Ben, c'est vraiment beau ce que ça donne parce que ça fait des espèces d'artefacts de lumière. Puis évidemment, le piqué, il est bon. Il est surprenant. Mm-hmm. Okay, pour un objectif du genre, j'avoue que c'est surprenant. Oui, puis c'est surprenant. Et puis, ça donne un look aussi très, très propre à cet objectif-là. Fait que c'est vraiment cool. C'est le genre d'affaires que tu tues à vouloir faire en post-production. Mm-hmm. Que tu sais même pas. Puis, pas besoin de filtre pour l'avoir dans ce cas-là. Non. Tu l'as naturel. Oui, c'est ça. Puis il y a des réflexions, des... De soleil qui apparaissent un peu n'importe comment. Comme ça... des fuites de lumière. Oui, presque, mais vraiment bizarre. Ouais. Là, fait que ça, elle a vraiment sa signature, cet objectif-là, avec la A7S, pas A7S, mais la A7II. C'est vraiment quelque chose de bien. Puis le bokeh est impressionnant. Oui. Ben, tu sais, il a fixé sur une espèce de soufflet qui permet de faire la mise au point parce que c'est un objectif qui n'était pas prévu pour ça à l'origine. Ouais. Écoute, je ne sais pas comment ça fonctionne, tellement c'est vieux. ça date de 1910, là, cet objectif-là. Là, tu veux savoir l'appareil photo? Je viens de le trouver. Oui. Eastman Kodak Codex. Alors voilà, c'est dit, l'information donnée. Alors ça, c'est ma suggestion de la semaine parce que c'est vraiment un patenteux, comme on dit. Mm-hmm, absolument, un bidouilleur. Ouais. Merci. De mon côté, ben, je reste dans la photo macro. Moi, j'ai trouvé un site où il y a 130 exemples de photos macro réussies. Là, puis on a les noms de chaque photographe. Ce n'est pas tout simplement un album de quelqu'un. C'est vraiment une photo par personne. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment de répétition dans les photographes. Et il y en a de tout. Que ce soit des insectes, des gouttes d'eau, des fruits, des fleurs. J'ai vu un clou. Il y a vraiment de tout. Une machine à écrire, vraiment toutes sortes de choses. Pour aider ton choix, finalement. Oui, c'est ça, pour tourner le fer dans ma plaie. Mais en tout cas, je trouvais ça intéressant. Mais non, c'était pas pour me torturer, c'était pour me donner de l'inspiration pour quand j'aurai mon... C'est ça, je te dis, pour aider ton choix. Oui, oui, absolument. Mm. Et vous irez voir ça de son choix. Oui, c'est ça. Non, je sais que c'est un bon choix. Ouais. Mais non, blague à part, vous irez voir ça. Si que la photo macro vous intéresse ou non, peut-être moi, que ça m'intéresse de les voir. Oui, ça m'intéresse pas de les faire. Okay. C'est ça qui est souvent le problème. Ouais, très beau. Mais enfin, c'est ça. Surtout les espèces de... les yeux de mouche ou d'abeille, là, que tu vois toute la structure de la membrane, là, c'est vraiment impressionnant. Mais combien d'heures qu'il a passé à faire ça? Moi, c'est plus ça. Ah, excusez-moi, ouais, c'est ce bout-là que je suis pas capable. Mais ça fait partie du plaisir de faire de la photo. Ouais. T'sais, c'est quand tu passes une journée complète dans un studio et tu sors 1500 photos, là, moi, j'ai moins de plaisir à faire ça, disons. Ouais, c'est ça. C'est une question d'intérêt. C'est pas la même chose. Ouais. C'est ça. Les intérêts différents. C'est pour ça qu'on parle de tout. T'sais. Non, mais c'est parce que... rapidement, je m'étendrai pas là-dessus, mais c'est plus parce que toi, tu as passé 4 heures sur un sujet, tandis que moi, j'ai passé 8 heures à 1500 photos sur... plusieurs sujets, plusieurs positions, plusieurs affaires. C'est là que je... Ouais, ben, de là à dire que ça prend 4 heures pour un sujet, ça dépend. Non, t'as raison, c'est plus que ça. Ah! t'es de mauvaise foi. Oui, totalement, je niaise. Non, mais tu comprends quand même le parallèle que je veux faire, là, oui, sur plusieurs sens. Là. Absolument. Ben, c'est ça, ça dépend de, des intérêts de chacun, du temps que tu as aussi à ta disposition. Puis, du quoi? Du temps. Ouais. Ouais, je sais, moi aussi, j'ai fait des recherches pour... pour essayer d'en avoir un. Hein? pour me rappeler ce que c'était. Enfin. Non, alors c'est ça, on va conclure l'épisode sur cette note et on va faire un petit aperçu. Souvent, je le fais à la toute fin, là, mais un petit aperçu de ce dont on va parler la semaine prochaine. Je suis allé voir, moi, les lanternes chinoises au Jardin botanique. Ah, toujours très alors, beau. Je vais vous parler de ça parce que je suis très, très satisfait de mes photos. Mais là, ton appareil ne cesse de s'améliorer d'année en année. En fait, tu le changes. Fait que, mais pas d'année en année, mais je veux dire, la dernière fois que tu es allé faire de la photo de lanterne chinoise, est-ce que tu avais ton appareil? C'était en 2009 avec mon Canon XSI. Alors voilà. Et je n'avais aucune... C'était parmi les premières fois où je faisais de la photo avec mon réflexe. Parce que, tu vois, c'était... Oui, ça faisait 3 mois que j'avais à peu près mon imagine mon appareil. En 6 ans, comment tu t'es amélioré, comment la technologie s'est améliorée. Et pas juste ça. Le planning de ma session photo s'est amélioré parce qu'en 2009, j'étais allé alors qu'il ne faisait pas encore entièrement noir. Ouais. Parce que c'était la toute première fois que j'allais aux lanternes chinoises. Et oui, je me doutais qu'il allait faire de la lumière, les lanternes, mais je n'avais pas pensé au résultat de mes photos. Tandis que là, je suis allé au bon moment, une fois qu'il faisait noir. Puis le décor ne m'intéressait pas. J'allais là uniquement pour les lanternes. Et oui, j'ai quelques photos du décor aussi. Mais des photos qui se prêtaient bien une fois la nuit tombée, disons. Mm-hmm. Fait que j'en reparlerai dans le prochain épisode. Et on va parler d'un nouvel objectif de Sigma, encore de la série Art. Mm-hmm. On va parler de toutes sortes de trucs, de l'obsession de l'image. Soyez avec nous au prochain épisode. Et entre-temps, ben, merci beaucoup, chers auditeurs. Merci, François. Merci, Stéphane. Merci, Christian. Merci, Stéphane. Pour nous rejoindre, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, questions, vos suggestions à podcast@objectifnumérique.com. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter au numérique et sur Facebook et Google+, Objectif numérique. D'ici le prochain épisode, à vos déclencheurs!